Livre cinquième, L'agent muet. Chapitre premier, Le comte de Marolle chez lui. Les habitants de Friar Street et autres localités semblables, étant dans l'habitude de s'éveiller le matin en respirant les odeurs mêlées de suif venant des savons qu'on faisait bouillir, et d'aller se coucher le soir avec le parfum d'eau brûlée sous leur nez, ne pouvaient naturellement avoir quelque chose de commun dans leur nature extérieure avec les citoyens de Park Lane et de ses environs, pour les nerfs olfactifs desquels les plantes exotiques dépensent leurs courtes et artificielles existences dans les escaliers, les boudoirs et les serres à l'élégante architecture et aux riches glaces, et parfument les eaux jaillissantes dans des bassins dorés pendant les longs jours d'été. Tout individu capable de se livrer à cet exercice renommé de métaphysique, que l'on appelle aller droit aux conclusions, pourrait s'imaginer que les chagrins et les maux vulgaires, qui peuvent être considérés comme existants d'une manière parallèle avec le savon bouilli et les eaux brûlées, c'est-à-dire l'amour sans espoir et les tortures de la jalousie, la maladie, la mort, la folie ou le désespoir, devaient être aussi bannis des régions de Park Lane et exclusivement confinés dans le cercle de Friar Street. Nulle personne douée du sentiment des convenances ne voudrait certainement supposer qu'il en est autrement, et ne consentirait à se représenter Milady la duchesse de McGuffey, mangeant des harengs sort à l'heure ridicule d'une heure après-midi, ou garnissant sa grille de charbon de ses doigts d'albâtre, ou se lamentant sur la mort de son enfant, ou se désolant sur l'infidélité de son époux, absolument comme Mrs. Higgins, la marchande de pommes de terre et de charbon, sur une petite échelle, ou Mrs. Higgins, dont les seuls revenus proviennent de matelas confectionnés sur place. Et il peut paraître dur, ô mes frères, que la fortune, le rang, le pouvoir, institutions divines sans doute, soient des institutions impuissantes ici-bas. Elles peuvent bien exclure les atmosphères viciées, les mauvaises odeurs, les vues désagréables et les bruits discordants. Elles peuvent entourer ceux qui possèdent le privilège de la naissance, de la beauté, de la grâce, de l'art, du luxe et de toutes sortes de plaisirs. Mais elles ne peuvent fermer la porte à la mort ou à l'affliction. Car Mayfair et St. Giles doivent ouvrir également leur brillante demeure à ces inflexibles visiteuses toutes les fois qu'il plaît à ses hôtes sinistres d'y frapper. Vous n'envoyez pas vos invitations pour vos concerts du matin, vos fêtes champêtres ou vos thés dansants à la misère ou au chagrin, ô nobles duchesses et comtesses. Mais avez-vous jamais vu leurs faces dans la foule, quand vous songez le moins à les rencontrer? À travers le feuillage et les splendides fleurs de la serre, à travers les rideaux de damas blanc de la grande porte vitrée, le soleil d'automne glisse ses rayons refroidis dans un boudoir au second étage d'un vaste hôtel dans Park Lane. Les tapis veloutés de cette pièce, les parquets de la chambre à coucher et du salon attenant, imitent une pelouse sur laquelle sont tombées des feuilles d'automne. Le dessin est vraiment si parfait qu'il est difficile de penser que la légère brise qui pénètre par la croisée ouverte ne va pas enlever les feuilles fragiles qui semblent voltiger sous la lumière du soleil. La tapisserie des murs est du blanc le plus tendre. Il est orné des portraits sur émail de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Madame Élisabeth et de l'infortuné petit prisonnier du temple enchâssé dans des panneaux ovales aux quatre côtés du boudoir. Tout objet dans cet appartement, quoiqu'étant parfait de forme et de nuance, est d'un style simple et calme. On n'y voit pas de ces meubles de boule, à dorures et à marqueterie, de ces fleurs artificielles, de ces estampes françaises, de ces boîtes à musique qui pourraient orner le boudoir d'une danseuse de l'opéra ou d'une femme de parvenue. Les fauteuils, les somptueux sofas, sont recouverts de damas blanc et leur bois est un érable uni. Sur le marbre de la cheminée sont deux ou trois vases de la forme la plus classique et qui, avec le buste de Napoléon de Canova, sont les seuls ornements de la pièce. Près du foyer, dans lequel brûle un médiocre feu, se trouve une table chargée de livres, les plus récentes publications françaises, anglaises et allemandes du jour. Mais elles sont empilées en un grand tas, comme s'ils avaient été parcourus l'une après l'autre et mis de côté sans avoir été lus. À côté de cette table est assise une dame, dont la beauté est rendue encore plus saisissante par la simplicité de sa toilette noire. Cette dame est Valérie de Lancy, maintenant comtesse de Marolles, car M. de Marolles a acquis un domaine dans le midi de la France avec une partie de la fortune de sa femme qui lui donne le titre de comte de Marolles. Un homme chanceux, ce Raymond de Marolles, une belle femme, un titre et une immense fortune ne sont pas de si méprisables biens dans la loterie de la vie. Mais ce Raymond est un homme qui veut étendre ses richesses. Aussi s'est-il établi comme banquier sur une grande échelle dans l'Amérique du Sud, et est-il venu dernièrement en Angleterre avec sa femme et son fils dans le but d'établir une succursale de cette banque à Londres. Il est bien entendu que cet homme, avec ses hautes relations et son énorme fortune, est considéré et possède un immense crédit dans tout le continent de l'Amérique du Sud. 8 années n'ont rien enlevé à la beauté de Valérie de Marolles. Ses yeux noirs ont le même feu, sa tête fière la même grâce hautaine. Mais, dans la solitude et au repos, son visage porte l'empreinte d'une profonde tristesse pénible à voir, car c'est la sinistre tristesse du désespoir. Le monde dans lequel elle vit, qui la connaît seulement comme la brillante, spirituelle, vive et étincelante parisienne, songe peu qu'elle cause parce qu'elle n'ose pas réfléchir. Qu'elle est sémillante et animée parce qu'elle n'ose pas rester calme, qu'elle court d'un endroit à l'autre à la poursuite du plaisir et de l'excitation parce que, dans l'excitation seule, et dans une existence aussi fausse et aussi vide que les joies qu'elle donne, elle peut fuir le fantôme qui la persécute. Ô image qui ne veut pas s'éloigner, ô spectre pâle et pensif qui surgit devant nous à toute heure et à tout moment pour se moquer et rire de nos fêtes bruyantes et tumultueuses que, conformément à la loi des contrastes, nous appelons plaisir. Ce fantôme, c'est le passé. Valérie n'est pas seule. Un petit garçon, de 7 à 8 ans, se tient debout devant ses genoux et lit à haute voix dans un livre de fables « Une grenouille vit un bœuf ». Il commence, et comme il lit le premier mot, la porte du boudoir s'ouvre et donne passage à un gentleman dont le pâle et beau visage, les yeux bleus, les cils blonds, la chevelure et les sourcils noirs font reconnaître pour l'époux de Valérie. « Ah » dit-il, lançant un coup d'œil railleur sur l'enfant qui lève les yeux un instant, puis les baisse sur le livre avec une indifférence qui dénote peu d'amour pour le nouveau venu. « Vous instruisez votre fils, madame. Vous lui apprenez à lire, n'est-ce pas une absurdité ?»« Le bambin a une belle voix et l'oreille d'un maestro. » Qu'il apprenne le solfège et très probablement un de ces jours il sera un homme aussi illustre que... Valérie le regarde avec le mépris d'autrefois, avec cette froideur glaciale des premiers jours. « Désirez-vous quelque chose de moi ce matin, monsieur ?» demande-t-elle. « Non, madame. » « Ayant l'entière disposition de votre fortune, que pourrais-je désirer? Un sourire ?»« Non, madame, vous gardez vos sourires pour votre fils, et au reste, ils sont à bon marché, dans Londres, les sourires de la beauté. »« Alors, monsieur, puisque vous n'avez pas besoin de ma signature, puis-je vous demander pourquoi vous venez m'insulter par votre présence ?»« Vous instruisez votre fils à respecter son père, madame, » dit Raymond en ricanant, et il se jette dans un fauteuil en face de Valérie. « Vous donnez un bon exemple au futur comte de Marolles. Il sera un modèle de piété filiale, comme vous en êtes un de... Ne craignez pas, monsieur de Marolles, que j'apprenne un seul jour à mon fils à respecter son père. Craignez plutôt que je ne lui apprenne à le venger. Mais, madame, c'est à vous à craindre cela. » Pendant la durée de ce court dialogue, le petit garçon a saisi la main de sa mère en la regardant d'un œil sérieux et inquiet. Tout jeune qu'il est, il y a du courage dans son coup d'œil et un air de fermeté et de résolution dans sa lèvre supérieure qui promet pour l'avenir. Valérie détourne les yeux de la figure cynique de son époux et caresse de sa main les boucles noires de la chevelure de l'enfant. Ces boucles lui rappellent-elles celles d'une autre chevelure noire? Aperçoit-elle d'autres yeux dans la clarté de ceux qu'elle contemple maintenant? Vous êtes vraiment assez bonne pour me demander, madame, le sujet de ma visite. Votre discernement naturel vous faisant comprendre qu'il n'y a rien de bien remarquablement attrayant dans la fréquentation de ces appartements et dans les lectures enfantines, exclusivement composées de mots d'une syllabe. Il jette en parlant un coup d'œil sur l'enfant, et ses cruels yeux bleus ne sont jamais si cruels que lorsqu'il regarde de ce côté, pour m'engager à pénétrer ici sans quelque motif. Monsieur sera peut-être assez bon pour être bref dans l'exposé de ce motif. Il peut imaginer que, me consacrant entièrement à mon fils, je ne vois pas avec plaisir ses études ou même ses amusements interrompus. Vous élevez votre jeune comte Alma Viva comme un prince, madame. C'est quelque chose d'avoir un sang noble dans les veines, même d'un seul côté. Si elle avait pu le tuer, du regard lancé par son œil noir étincelant, il fût tombé mort, tandis qu'il prononce les mots qui frappent l'un après l'autre son cœur brisé. Il connaît son pouvoir, il sait en quoi il consiste, il sait comment en user. Il se plaît à la torturer, parce que malgré qu'il ait obtenu d'elle rang et fortune, il n'a jamais pu la subjuguer. Elle l'a toujours défié, même dans son désespoir. « Vous êtes inconvenant, monsieur, je vous en prie. Soyez assez bon pour me dire ce qui vous amène ici, car je ne voudrais pas faire injure à votre bon sens en vous disant que votre visite est la bienvenue. Ce sera alors en peu de mots, madame. Nos arrangements domestiques ne me conviennent point. On ne nous a jamais vus nous quereller, il est vrai, mais on nous a vus rarement nous adresser mutuellement la parole et on ne nous a jamais vus ensemble en public. Tout cela était fort bien dans l'Amérique du Sud, où nous étions roi et reine de notre cercle. Ici, ce n'est plus la même chose. Pour le moins, nous avons l'air mystérieux. Le monde est enclin au scandale. Nos gens tirent des conséquences. Monsieur n'aime pas madame, et il l'a épousée pour son argent. Ou, de notre côté, madame n'aime pas monsieur, mais elle l'a épousée parce qu'elle avait une puissante raison de le faire. Cela ne convient pas, comtesse. Un banquier doit être considéré, ou le monde peut craindre de lui donner sa confiance. Je dois être ce qu'on m'appelle aujourd'hui l'éminent banquier, et je dois jouir de la confiance générale. Afin de pouvoir mieux la tromper, monsieur, voilà le motif qui vous fait désirer la confiance publique. N'est-il pas inscrit dans votre code de morale publique ? Madame devient mathématicienne. Son argument par induction lui fait honneur. Mais votre affaire, monsieur, était de vous signifier mon désir, madame, qu'on pût nous voir plus souvent ensemble en public. L'opéra italien, actuellement, madame, quoique vous ayez pour lui un si grand éloignement, éloignement soit dit en passant que vous ne professiez pas durant la première période de votre vie, est un lieu de réunion fort à la mode. Tout le monde sera là ce soir pour assister au début d'un chanteur d'une célébrité européenne. Peut-être me ferez-vous l'honneur de m'y accompagner. Je ne saurais prendre aucun intérêt, monsieur. Au succès d'un ténor, ah, comme nous perdons les goûts de notre jeunesse. Mais vous voudrez bien occuper la loge du premier rang que j'ai louée pour la saison au théâtre de Sa Majesté. Il est de l'intérêt de votre fils, de votre chérubin, de condescendre à ma demande. Il lance encore une fois un regard sur l'enfant avec un sourire railleur sur ses lèvres minces. Puis il s'éloigne et dit en s'inclinant profondément devant elle « Au revoir, madame. Je commanderai la voiture pour 8 heures. » Un cheval qui est l'avant du Tattersall avait attiré l'attention de tous les amateurs par sa perfection en tout point et par la somme élevée de son enchère. Caracole devant la porte de l'hôtel sous la main de son habile cavalier, un groom bien appris à l'élégante librée. Un autre cheval, également de pure race, attend son cavalier, le comte de Marolles. Le groom descend et tient l'abri tandis que le gentleman sort de l'hôtel et s'élance en selle. C'est un cavalier consommé, ce comte de Marolles, un bel homme aussi, malgré l'impatience et l'astuce de ses yeux bleus et de ses lèvres minces et nerveuses. Sa toilette est parfaite, suffisamment à la hauteur de la mode pour dénoter dans celui qui la porte un homme de haut ton, mais sans l'exagération qui lui donnerait le cachet d'un parvenu. Il a cette élégance et cette grâce étudiée, qui à l'œil de l'observateur paraît être du laisser-aller, mais qui est en réalité la perfection de l'art le plus remarquable de tous, l'art de cacher l'art. Il est midi, il n'y a pas beaucoup de monde en Piccadilly par cette matinée de septembre, mais parmi les quelques gentlemen qui passent à cheval devant M. de Marolles, les plus distingués le saluent. Il est bien connu dans le monde comme l'éminent banquier, le propriétaire d'un superbe hôtel dans Park Lane, le héros de la célébrité parisienne qui porte la croix de la Légion d'honneur qui lui a été donnée par Napoléon Ier à l'occasion d'un dîner chez Talleyrand, le possesseur de propriétés considérables en France et dans l'Amérique du Sud, ayant une fortune dite colossale et une délicieuse femme. Au reste, si ses titres de noblesse sont tout à fait de fraîche date, et si, au dire d'impertinentes gens, il n'a jamais eu un grand-père ou même une espèce de père que l'on puisse citer, les grands hommes, depuis les âges mythologiques, ont été renommés pour sortir de la meilleure origine qu'ils ont pu. Mais pourquoi, étant banquier, pourquoi, possédant une énorme fortune, essayer encore de l'agrandir par la spéculation ? Cette question est à débattre entre Raymond de Marolles et sa conscience. Peut-être n'existe-t-il pas de borne à l'ambition de cet homme qui entra dans Paris il y a 8 ans en obscur aventurier et qui est aujourd'hui millionnaire au dire de plusieurs.